écrit la guardia. Tout le tchèque en ouloulou, c'est pas dans mon mort, c'est hais tout loulou. La mise en fait tout loulou, c'est pas dans ma hais tout loulou. Tout le tchèque en ouloulou, c'est pas dans mon mort, c'est hais tout loulou. La mise en fait tout loulou, c'est pas dans ma hais tout loulou. J'suis revenu les 400 chevaux, j'm'en vais loin dans les îles, j'suis dans le paquebot. Mon poteau a trop la banque, tu sais même pas tenir sa poche, tu veux le réseau. Qui on est, ils m'appellent de la prison, mais ton liberté, 13-0 que j'en fais tout, tu sais qui on est.